dans l'agonie, je pose un mot. Un argot libre, on pique une idée, font ma prose. Qui sait mon art en prime. J'avoue, je suis un traîne, ça va. Au taf, costume, trois pièces, cravate. À la para, casquette, c'est vif. Faut que mes cesses s'adaptent. J'viens pas de la rue, serre. Mais souvent, j'y ai roulé ma poste. Des flashs qui éclaboussent ma vue terne. J'ai perdu des proches. Mathieu, Younes, Vincent, Riton. Le frérot triste, le fiston. Paco, c'est mine marquée sur des visages. Qui en disent non. Alors, j'ai toujours pris la plume comme exutoire. J'apprends souvent solo, voilà pourquoi je compte sur mes 10 doigts. Mes 10 doigts. J'ai ma petite voix qui me dit méfie-toi. Souvent je me déteste et face à moi je me dis t'es qui toi. J'essaye de faire bonne figure pendant que le stress me dévisage. Traîne un simple esprit sale, des idées noires pour un beau métissage. Échec et peine perdue, pas de pardon. Ou quand la haine perdure d'un esprit pendu au cul d'un tas de patrons. Moi je m'y attarde pas trop, grande gueule et fierté mal placée. Jamais dans le tiers si je suis seul, un peu comme toi je suis mal classé. Alors je m'évade, je me dis qu'il y a que moi qui me comprends. Mais je préfère suivre ma logique avec ou sans récompense. Je m'en fous que mes mots les vexent, ma plume a du répondant. Comme le tourisme à Molenbeek qui nous diffuse différemment. Esprit serré, format HD aux heures de pointe. D'un mépris serein, ulcéré sur ma feuille blanche, je porte plainte. Et j'appose d'un grand P pour plume épais. À l'aide d'une encre noire qui perce leur brume opaque épaisse. Esquive leur passe d'art. C'est fou, se compare les becs. Pendant qu'un type en passe à voix floue et que son avenir c'est mien. Encore une foule en deuil, faire part. Et innocents touchés, ils nous ont porté l'œil. Dans un bain de sang, nos têtes sont douchées. J'avance avec mes craintes et mes doutes ne sont pas loin non plus. J'avance avec la l'amour des miens et pense à ceux qui n'en ont plus. Je t'ai dit j'avance enfin, faut que j'essaie. Sans mes vieux démons à 30 ou bientôt père. J'avoue je stresse car j'ai pas la démo. Alors mes mots me servent d'écho sans une once d'émotion. Car j'ai choisi mes chaînes et à ma fille donner ma dévotion. J'ai pas l'intention d'être drôle, d'avoir un panier de rime champêtre. Un arc-en-ciel aux couleurs ternes, ça faire pour un avis de tempête. Parfois je suis dans le creux de la vague. J'ai peur que mon radeau de fortune s'écrase face à la lune et que mon encre salisse mon bleu de travail. En quelque sorte j'ai peur de l'avenir. Le vide m'attire, ma peine se traîne comme un martyr sans raisonnement compatible. Le vice te guette, les artifice te ravisse, ton esprit frime et affecte tes larmes. Comment veux-tu que la flamme se ravive? Je fais face à l'iceberg, une montagne d'un mépris sauvage. À force de me détruire, j'ai peur qu'un jour, oui, mon âme se venge. Je parlerai jamais de Dieu, face cachée dans les saintes églises. Quelques bruits de ma vie dévisagée, synthésiste. Peu à peu, je sens le vide s'ouvrir, chaque mot posé. Une balle à frein, soupir, une larme, un rire décomposé. Mais c'est quel genre, c'est quelque chose. Mais c'est quelques pros nous apaisaient dès qu'on se posait. Oui, j'en sais quelque chose. Tire un trait sur le passé pour qu'il réapparaisse. Pour qu'il réapparaisse. Peu à peu je sens le vide s'ouvrir, chaque mot posé. Une balle à frein, soupir, une larme, un rire décomposé. Mais c'est quel genre, c'est quelque chose. Mais c'est quelques pros nous apaisaient dès qu'on se posait. Oui, j'en sais quelque chose. Tire un trait sur le passé pour qu'il réapparaisse. Bah ouais. Tire un trait sur le passé pour qu'il réapparaisse.